إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 2 dans l'explication du livre du Cheikh Abdul Salam ibn Burgis al-Abdul Karim rahimahullah qui s'intitule Al-Mashru' wal-Mamnu' min at-Tawassul, c'est-à-dire ce qui a été légiféré qui est permis et qu'est-ce qui est interdit par rapport au tawassul, par rapport à qu'est-ce qu'on appelle at-tawassul. Et at-tawassul, on va l'expliquer. Là, on est dans l'introduction. On a expliqué au dernier cours que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ses messagers pour appeler leur peuple au tawhid et à l'ikhlas, c'est-à-dire que Allah seul soit adoré. Et pour appeler leur peuple à rejeter le shirk, c'est-à-dire le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, et d'offrir à autre que à Allah, ou bien d'offrir à d'autres que à Allah des formes d'adoration, soit en les adorant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en les adorant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a expliqué ces exemples-là, on a parlé de ça. Puis, ensuite on a expliqué comment le shirk, à chaque fois que le shirk commençait à se propager dans un peuple, Allah subhanahu wa ta'ala envoyait un nouveau messager pour clarifier et purifier le message. Et on a vu au dernier cours comment c'est arrivé pour, par exemple, l'époque de Nuh, parce que c'était l'époque dans laquelle ou à laquelle le shirk s'est introduit dans l'humanité, c'était pour la première fois. Puis ensuite, à chaque fois qu'un messager venait, chaque fois qu'un shirk se produisait, eh bien Allah envoyait un messager à un peuple. On a vu l'exemple de plusieurs, on a donné l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, et on a vu l'exemple de d'autres également. Puis on a expliqué par la suite comment à l'époque de Amr ibn al-Wuhay après Ibrahim, comment le shirk a été introduit chez les Arabes dans la péninsule et à la Mecque, et comment il avait introduit l'adoration des idoles donc à la Mecque et dans la péninsule arabe par la suite. Et on a expliqué à la base d'où viennent les différentes divinités que les Arabes adoraient, qui étaient, on a parlé de Hubal, et on a parlé de Al-Lat, et on a parlé de Al-Uzza, et on a expliqué qu'est-ce que c'était ces différentes idoles que les Arabes adoraient avant l'islam. Donc ça, c'était leurs trois plus grandes idoles. Al-Lat ou Al-Uzza, on a parlé de Manat et de Hubal, et de, en tout cas différentes idoles qu'ils adoraient. Toutes ces idoles ont été ramenées après Ibrahim. Et ça a suivi, yani, l'innovation que Amr ibn Luhay a fait lorsqu'il a introduit les idoles à la Mecque. Le Cheikh Abdul Salam ibn Burjis, il dit ensuite: ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان وكثرت الأصنام والأوثان في كل بقعة من الحجاز. Donc par la suite, le shirk s'est répandu dans la région et il y a eu beaucoup d'idoles et dans toutes les régions du Hijaz. Le Hijaz, c'est la région qui longe la mer Rouge dans la péninsule arabe. Et en arabe, on dit, parce qu'en français on dit idole, souvent on dit les idoles, mais en arabe il y a deux termes qui sont employés ici pour déterminer les idoles. Il y a le terme asnam et awthan. Asnam, c'est le pluriel de sanam, et awthan, c'est le pluriel de wathan. Et la différence entre les deux, entre Sanam et Wathan, c'est que Al-Asnam, ce sont des idoles qui sont sous une forme spéciale, c'est-à-dire une forme spécifique, soit sculptée ou gravée, une forme humaine ou animale, une statue en fait. Hein? Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle Al-Asnam. Comme les idoles que vous avez aujourd'hui chez les hindous, les statues de Vishnu, Rama, hein, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des exemples. Puis, il y a d'autres idoles qui sont adorées, mais qui ne sont pas nécessairement sous une forme spécifique. C'est soit que des gens adorent des endroits, des arbres, des objets, des roches, hein, des choses qui n'ont pas nécessairement été sculptées par l'homme ou travaillées par l'homme, qui n'ont pas nécessairement une forme humaine ou animale, mais ce sont des choses qui sont quand même adorées. On les appelle awthan. D'accord? Donc en arabe, on distingue entre les deux. Et le Cheikh, il dit: فأرسل الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فكما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Donc le Cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, il a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire sortir ce peuple des ténèbres vers la lumière. Hein? Et on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, c'est un des prophètes, c'est le dernier des messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux hommes. Et que son message, c'est le dernier des messages. Et que son message est valable jusqu'à la fin des temps. Hein? Et sa da'wah est venue, et il est venu avec sa da'wah en premier, comme on a expliqué, pour le tawhid. Hein? Pour établir l'unicité d'Allah dans l'adoration, hein, et dans la croyance. Et qu'est-ce qui est important aussi de comprendre par rapport à ça, c'est qu'il est venu donc à la suite que le fait que le shirk ait été introduit parmi les Arabes. Et les Arabes, c'est un peuple qui n'avait pas reçu de livre auparavant. Donc, ils n'avaient pas reçu de livre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc est venu parmi eux. C'était des idolâtres. Et donc la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une des da'wah les plus difficiles. Parce que quand on regarde par exemple certains des messagers qui sont envoyés par exemple à un peuple qui a déjà reçu un message auparavant ou qui a déjà un livre, hein, comme les prophètes de Bani Israël par exemple, hein, eh bien, donc, il y a déjà une base qui est établie. Et même Isa, alayhi salam, quand il est venu, par exemple, au peuple de Bani Israël, il vient à des gens qui ont reçu un livre, qui connaissent déjà la révélation, qui ont déjà une révélation, une base, qui connaissent les prophètes précédents, les messagers. Tandis que là, maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient à un peuple de mushrikin qui n'ont jamais reçu de livre. Donc c'est une da'wa qui est très difficile. C'est comme aujourd'hui lorsqu'on veut faire la da'wa à des bouddhistes ou à des hindous ou à d'autres peuples comme les Amérindiens ou les Inuits ou bien les indigènes de l'Amazone ou des gens qui habitent dans des endroits isolés, hein, dans la jungle ou bien dans des endroits loin, éloignés. Donc ces peuples-là, souvent, c'est des peuples tellement isolés, ils n'ont jamais entendu parler d'un message précédent. Ils n'ont pas entendu le message des autres prophètes. Donc il faut leur enseigner le tawhid en partant de zéro. Hein. Bien entendu, ils ont la fitra. Hein, certains d'entre eux, à la base, ils avaient la fitra. Peut-être que certains ont encore cette fitra déjà. C'est-à-dire, étant donné qu'on l'a tous, mais c'est-à-dire, il y en a qui sont restés purs, mais elles n'ont pas été corrompues, tandis que d'autres, elles ont été corrompues, cette fitra, par des fausses croyances qui sont propagées ou qui sont présentes chez eux, soit de la magie, de la sorcellerie, ou des croyances, par exemple, en des esprits ou en des idoles, ou l'adoration des arbres, de la nature, ou des choses comme ça. Donc c'est différentes formes de shirk qui existent chez ces peuples-là. Donc c'est un da'wa qui est assez difficile et qui prend du temps, parce que des gens qui sont très très accrochés à des coutumes et à des traditions basées sur le shirk, et donc il faut les réformer, il faut corriger leurs fausses croyances, leurs fausses perceptions, leurs fausses conceptions, détruire leur superstition, puis les ramener à l'unicité d'Allah et au tawhid, dans l'adoration et dans la croyance. Donc c'est un long travail et c'est un travail difficile, hein? Et donc c'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait à faire à son époque. Et donc le cheikh explique que donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour faire sortir son peuple des ténèbres vers la lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 164 dans sourate Al-Imran, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a certes fait sa faveur sur les croyants. Il a certes mis sa faveur sur les croyants lorsqu'il a envoyé parmi eux un messager d'eux-mêmes qui leur récite, hein, qui récite sur eux ces versets, ces signes, qui les purifie et qui leur enseigne le livre et la sagesse, même si auparavant ils étaient dans un égarement évident. Donc, le cheikh dit ensuite: Arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala bit-tahdhir min ash-shirk wa ad-da'wah ila at-tawhid. بالتحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, comme on l'a dit, avec l'avertissement contre le shirk et la da'wa au tawhid. Hein? Et comme je disais, il est envoyé à un peuple qui n'a jamais reçu de livre auparavant. Et pourquoi je mets de l'importance sur ça, c'est parce que je connaissais un frère qui était marié avec une femme qui vient d'un pays, parmi les pays de l'Orient justement, parmi les gens qui n'ont pas vraiment une religion, parmi les bouddhistes ou les gens de ces tendances-là ou de ces philosophies-là, et eux, ils n'ont pas vraiment une croyance en un dieu, un créateur, et ils n'ont pas de conception par rapport aux prophètes, aux messagers, aux livres révélés, des choses comme ça. Donc pour eux, c'est très loin de comprendre les messages des messagers, puis la révélation, puis toutes ces choses-là, c'est loin pour eux. Donc, étant donné que c'était un exemple, il y en a à donner, l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur exemple, puisque lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, il l'a envoyé à un peuple justement qui était totalement étranger à ces notions-là, et il leur a expliqué le tawhid, enseigné le tawhid, et après ils ont accepté. Et ils avaient non seulement des croyances fausses, mais aussi des pratiques et des coutumes et des façons de vivre qui sont fausses. Et donc, quand les gens, par exemple, de ces différents peuples, de ces différents pays aujourd'hui, ils disent, par exemple, oui, mais nous, on ne connaît pas ces choses-là, on n'a jamais entendu parler de ça, ou bien, chez nous, les gens, ils ont des traditions et des coutumes, quand il y a telle chose, on fait ça, quand il y a telle chose, on fait ça. Par exemple, les gens, par exemple, vont boire de l'alcool, vont faire telle chose, et eux, pour eux, c'est normal. Eh bien, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à un peuple qui aimait l'alcool, un peuple qui enterrait, par exemple, parfois ils enterraient leurs filles vivantes par honte, ou des choses comme ça. Ils avaient toutes sortes de traditions barbares. Ils faisaient le tawaf nu autour de la Kaaba, hein, en sifflant, des choses comme ça, frappant des mains, sifflant, des trucs comme ça. Donc tout ça, c'était des choses qui étaient pratiquées, les gens faisaient des choses comme ça. Toutes sortes de mauvaises mœurs qui étaient présentes. Le prophète Sansom, il a combattu tout ça, il a changé sa société, il a changé toutes ces mauvaises coutumes qui existaient dans sa société, malgré que lui-même faisait partie de ce peuple-là. Donc c'est pour dire que le fait qu'on vient d'une autre tradition, ou d'une autre coutume, ou d'une autre ethnie, ça ne veut pas dire que on n'est pas capable ou on ne peut pas accepter le message des messagers d'Allah et de croire en la révélation que Allah a envoyée, parce que c'est une révélation universelle pour tout le monde, pour tous les peuples. Et le fait que certains peuples ne l'ont pas connu, eh bien ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le connaître par la suite, hein, et le suivre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour avertir son peuple contre le shirk et pour les appeler au tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé justement parmi les premières choses qu'il a révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était surat al-Muddassir. Et c'est avec cette surah qu'il est devenu un messager. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans cette surah au début, Ya ayyuhal Muddassir, قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. Donc c'est les versets de sourate Al Imran, pardon, Al Muddassir, qui mentionne donc que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô toi qui est recouvert d'un vêtement, lève-toi et averti. Et ton Seigneur, exalte-le. C'est-à-dire, il parle de tawhid. Hein? Averti contre le shirk, et exalte ton Seigneur par le tawhid, et purifie, et tes vêtements, purifie-les. Hein? C'est-à-dire, purifie tes actions du shirk. Warrujza fahjur, hein, et les idoles, écarte-toi-en. Wala tamnun tastakthir, وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Hein? Donc ça c'est les deux derniers versets dans cette sourah. Et ne surestime pas tes actions, et en ton Seigneur mets ton endurance ou ta patience. Donc ça, c'est à propos de ces versets-là. Et le cheikh, il les explique, donc, فَمَعْنَا قُمْ فَأَنْذِرْ يُنْذِرُ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُ إِلَى التَّوْحِيدِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ أَيْ عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيدِ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ أَيْ طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ الرُّجْزَ الْأَصْنَامِ وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَمِنْ أَهْلِهَا. Donc c'est ça. والرجز فهجر, comme on a dit, الرجز c'est les idoles, et le fait de faire le hajr de ces idoles, c'est quoi? C'est-à-dire de s'en écarter et de s'en désavouer, et de se désavouer des gens qui les adorent. C'est ça qui est mentionné dans le verset. والرجز, c'est-à-dire les idoles, فهجر, alors écarte-toi-en, c'est-à-dire fais le hajr de ces idoles. Hein, reste loin de ces idoles. Souvent on entend le terme hajr par rapport de faire le hajr des gens de bid'ah, hein? C'est un terme qui est connu, al-hajr, fait de boycotter ou de s'écarter des gens de Bid'a. C'est un des principes d'Al-Sunnah al-Jama'a. On le voit le terme ici mentionné dans le verset. وَالْرُجْزَ فَهْجُرُ. Donc c'est aussi par rapport à fondamentalement le hajr, c'est le hajr des idoles, hein, le hajr du shirk et des mushrikins. Hein. Après le shaykh il dit فَلَمَّا أَنْذَرَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ اسْتَجَابَ لَهُ الْقَلِيلُ وَأَمَّا الْأَكْثَرُ فَكَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Donc le cheikh explique que peu de gens ont accepté. Le prophète a averti les gens contre le shirk, il les a appelés au tawhid, mais très peu de gens ont accepté, et la majorité ont réagi de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans les versets 35 et 36 dans Surat As-Saffat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets-là, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. C'est-à-dire, ceux-là, lorsque on leur disait « Rien ne mérite d'être adoré », ils s'enflaient d'orgueil. Et ils disaient « Allons-nous abandonner nos idoles ?» pour un poète fou, hein? Et donc il refusait, il s'enflait d'orgueil, il refusait de dire la ilaha illallah, alors que c'est juste une petite parole, une phrase courte, hein, qui nécessite aucun effort, qui a l'air très simple en apparence, mais étant donné qu'ils ont compris sa signification et qu'est-ce que ça impliquait pour eux en tant que mushrikin, ils n'ont pas voulu abandonner leurs idoles. Alors ils se sont enflés d'orgueil pour pouvoir justement rejeter cette parole et continuer à adorer leurs idoles. Et ils s'encourageaient entre eux à ne pas les abandonner en disant « Allons-nous abandonner nos idoles pour un poète fou ?» Donc ils essaient de dénigrer le prophète, hein, et le traitent de fou, hein, parce qu'ils les appellent à abandonner l'idolâtrie. Alors que la folie c'est quoi? C'est quoi où est-ce qu'elle est la folie dans cet exemple? La folie, c'est plutôt d'adorer des idoles qui n'ont aucun pouvoir, aucune force, aucun contrôle de quoi que ce soit dans l'univers, et que c'est eux-mêmes qui les ont fabriquées et construites avec leurs mains. Donc c'est totalement absurde et c'est totalement fou. Il y en a de vouloir adorer des choses pareilles. Donc, il traite un homme de fou parce que cet homme-là les appelle à abandonner leur idolâtrie et leur folie, alors que c'est eux en réalité qui sont dans la folie et non pas le messager d'Allah. Et le shaykh il dit فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés dans le verset suivant, le verset 37, dans lequel il a dit « بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ » C'est-à-dire, il est venu avec la vérité et il a confirmé ou il a cru en ce que les messagers ont dit avant lui. Il a confirmé ce qu'ils ont ramené. Donc, c'est pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala les réfute. Et le cheikh dit « أي أخبر عن الله في شرعه وأمره كما أخبر المرسلون قبله كما قال تعالى في الآية الأخرى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a informé à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de sa sharia, de sa législation, de sa révélation et de son commandement, comme l'ont fait les messagers avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc, aujourd'hui, on vit dans une société qui se dit, par exemple, laïque et qui appelle les gens à respecter toutes les religions, toutes les cultures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut pas critiquer les idoles que les mushrikines adorent. Et ça, c'est en fait une opposition à la da'wah des messagers d'Allah. Puisque la da'wah des messagers d'Allah, elle est venue justement pour disons, combattre l'idolâtrie, combattre le shirk, pour combattre les idoles et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il ne peut pas être laïque. Dans ce sens, il ne peut pas accepter la fausseté et le mensonge et se taire devant l'idolâtrie, se taire devant le shirk, se taire devant les fausses religions, les religions qui appellent les hommes à adorer les créatures au lieu d'adorer le créateur. Hein? Donc le croyant, il se tait pas et il va pas faire semblant d'être d'accord avec les idoles et l'idolâtrie et de dire il faut respecter ces cultures-là parce que ce sont différentes cultures et chaque culture a ses croyances et que ça c'est le respect, la diversité entre les hommes. Yani subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné aux hommes d'adorer quoi que ce soit d'autre que lui. Il n'a pas ordonné aux hommes de se prosterner devant des statues ou des images ou des idoles ou des croix ou des êtres humains ou des animaux ou des choses. Donc la seule chose qu'on a le droit d'adorer, c'est Allah, le créateur de toutes choses, le maître de toutes choses, celui qui a tout créé, celui qui a la connaissance de tout, celui qui est miséricordieux et sage, hein, et tout puissant. Donc c'est lui seul qu'on a le droit d'adorer. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est faux. Donc ça c'est la droiture, ça c'est la raison, ça c'est ce qui est clair. Hein. Tandis que le fait de dire on va respecter toutes les fausses croyances qui existent, peu importe qu'est-ce que quelqu'un ramène comme religion, on va le tolérer ou on va l'accepter, eh bien on voit la réalité de ce que ces gens-là, parmi les laïcs, prétendent. Et la réalité, la différence entre qu'est-ce qu'ils prétendent et qu'est-ce qu'ils font, on voit que c'est deux choses. Hein. Puisque on peut pas tolérer tout, et on le voit dans leur application même de ces principes qu'ils ont inventés, c'est qu'ils prétendent vouloir accepter et tolérer toutes les différentes croyances, mais ils font quand même des distinctions, hein, puisque n'importe qui peut se réveiller demain matin et puis essayer d'inventer une nouvelle religion avec des croyances qui font aucun sens, et ils vont faire une distinction entre, par exemple, certaines sectes qui ont des gourous et qui ont des croyances farfelues, des affaires vraiment incroyables, hein, et puis ils vont pas leur donner une importance. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça c'est ridicule, yani c'est basé sur rien. Mais pourtant, l'idolâtrie le tolère. Des gens qui adorent des images, des statues, des croix ou d'autres choses de ce genre, ça c'est pas pour eux, c'est pas farfelu, c'est pas ridicule, hein, c'est pas faux. Ou bien ils l'acceptent, ils le tolèrent, alors que ça mérite aucune tolérance. Donc ça c'est des exemples. Mais quand quelqu'un n'a pas la connaissance de la révélation d'Allah, il ne peut pas distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et faux. Donc il se contredit automatiquement. C'est sûr qu'il va être obligé de se contredire à un moment donné ou à un autre. Il n'a pas une règle claire qu'il suit pour distinguer entre qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est inacceptable par rapport aux croyances et par rapport aux religions. Non, donc ça c'est un point important. Ensuite le cheikh il explique, il dit: ثم جرى على النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى verset dans lequel Allah سبحانه وتعالى il dit dans un autre verset Allah سبحانه وتعالى dit ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. Si je me trompe pas, ça c'est dans sourate Fussilat, je crois. C'est-à-dire on ne va pas te dire excepté ce qui a été dit aux messagers avant toi. C'est-à-dire tout ce que les mouchriquins et les koufars ont ramené comme shubuhat, hein, comme critique, comme attaque, comme insulte contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, d'autres mouchriquins et d'autres koufars l'ont dit à d'autres messagers avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein, y a pas un messager qui vient, excepté que les mouchriquins et les kuffars qui entendent son message et qui le rejettent, eh bien, il n'y en a pas un peuple, excepté que ces peuples-là qui rejettent la foi vont ramener des arguments ou des faux arguments ou des excuses ou des prétextes pour rejeter la foi. Et à chaque fois, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes arguments. Et même à l'époque actuelle, lorsque tu parles avec des kuffars et que tu leur expliques la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu vas constater que même aujourd'hui, ils ramènent les mêmes shubuhat. Donc ça, c'est pour dire que, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, atawasaw bih, c'est-à-dire, est-ce qu'ils se sont tous consultés entre eux, les premiers et les derniers, se sont tous consultés entre eux pour dire, on va se mettre d'accord de répondre ça aux messagers? Alors qu'ils vivaient dans des époques différentes, et dans des peuples différents, et dans des endroits différents, ils se sont jamais rencontrés, se sont jamais connus, et pourtant, quand ils répondent à leurs messagers, ils répondent la même chose. Hein? Donc, on dirait presque qu'ils se sont mis d'accord quelque part pour dire on va répondre ça. Hein? Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. C'est-à-dire, c'est ainsi que ceux qui étaient avant eux ont dit la même chose que leurs paroles. تشابهت قلوبهم, c'est-à-dire leurs cœurs se ressemblent. تشابهت قلوبهم, c'est-à-dire leurs cœurs, le cœur des kuffars, ils se ressemblent. C'est pour ça qu'ils répètent toujours les mêmes choses entre eux. Quand ils ne veulent pas accepter la vérité, ils ramènent toujours les mêmes shubuhat, les mêmes réponses. Hein? Comme par exemple, quand les messagers leur venaient avec les preuves, ils disaient par exemple, Asatirul Awwalin. Mais ça, c'est des histoires anciennes. Hein? C'est des histoires anciennes. Encore aujourd'hui, ils disent ça, c'est des histoires anciennes. Hein? Tu leur parles du paradis, de l'enfer. Du jugement dernier, de la foi en Allah, hein, du tawhid et tout ça. Non, ça, c'est des histoires anciennes. Et surtout à notre époque, avec tous les développements technologiques qui se sont développés, eh bien, les petits-enfants, ils apprennent très tôt que, eux, ils vivent dans une époque moderne, puis tout ce qui était avant, c'est l'ancien temps. Et des fois, c'est juste comme 30 ans, 40 ans en arrière, 50 ans en arrière, ils disent, dans ton temps, dans l'ancien temps. Et même, je me rappelle, même moi-même, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au primaire, hein, on parlait à nos parents ou à nos grands-parents, on disait, dans ton temps ou dans l'ancien temps, comme si c'était 1000 ans en arrière. Hein? Parce que les gens, maintenant, le développement se fait tellement rapidement que les gens pensent que même après 10 ans, le temps a évolué. C'est comme si on dirait que après 10 ans, il y a 100 ans qui viennent de passer. Hein? Donc c'est encore plus apparent cette caractéristique-là chez les kuffars et les mushrikines à notre époque aujourd'hui, à cause justement de l'illusion qu'ils ont du temps qui passe rapidement. Hein? Le cheikh il dit ensuite, ثم جرى على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو معلوم من سيرته وأخباره الشريفة إلى أن أظهره الله وأكمل له الدين كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc le cheikh il dit, puis il est arrivé au messager ce qu'on a su de son histoire, hein, et des informations qui ont été rapportées au sujet de sa vie et qu'est-ce qui est arrivé durant sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire par la suite et il a parachevé sa religion et complété sa religion pour lui. Comme c'est mentionné dans le verset 3 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc ça c'est pour dire que à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a complété la religion. Donc, on voit que le cheikh, il a comme résumé ici, il a même pas mentionné d'exemple sur l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment sa da'wah s'est passée. Mais, il a expliqué qu'il est venu avec le tawhid, il a appelé son peuple au tawhid, il y en a un peu qui ont cru au début, puis la majorité ont rejeté, puis il est tout de suite passé à la fin, pour dire qu'on sait ce qui s'est passé, puis à la fin, Allah lui a donné la victoire sur les mushrikines et les kuffars. Hein? Mais on sait très bien que entre ces deux, entre ce temps, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont produites. Son peuple l'a chassé, hein? Ils ont essayé de le tuer. Le professeur Sam a appelé au tawhid pendant des années et des années. Il a essayé il a essayé d'appeler différentes tribus, différentes partie de tribu a accepté sa da'wa. Hein, il allait, par exemple, chaque année, quand il y avait le hajj, il allait voir les différentes tribus, il leur disait, qui va me supporter dans la transmission du message de mon Seigneur? Surtout après que son oncle, Abu Talib, soit mort, ainsi que Khadija. C'est pour dire, il a eu des difficultés. Il est parti à Taif, les gens là-bas l'ont accueilli avec des pierres, et ils ont envoyé les enfants et les esclaves pour lancer des pierres au prophète sallam, et le prophète sallam était avec son servant Zayd, hein, et il est parti donc les pieds blessés, et ses pieds saignaient. Il a quitté Taif de cette façon. Ensuite, on sait qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Il allait, quand c'était la période de Hajj, il allait dans les différentes tribus, il demandait qui est-ce qui va me supporter. Jusqu'à ce qu'un groupe d'entre les Ansar accepte la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça. Exactement. Ils sont venus faire le pèlerinage et ils ont vu que le prophète sallam se faisait rejeter et tout ça, donc ils ont accepté sa da'wa, ils lui ont fait l'allégeance, ils lui ont fait la bay'a sous l'arbre de l'Aqaba, et c'est là que donc il y a eu environ, je pense, 70 hommes qui ont cru en premier, puis ils sont retournés à Médine et ils ont commencé à prêcher l'islam. Jusqu'à ce que l'année d'après, encore plus de musulmans se convertissent. Et là, après, les gens ont commencé à faire la hijra à Médine. Les sahaba de la Mecque sont partis là-bas. Puis, ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est allé les rejoindre. Il a fait la hijra avec Abu Bakr. Puis, ça c'est sans parler de la hijra qu'il y a eu préalablement, enfin, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé certains sahaba à Al-Habasha, en Éthiopie, parce qu'il ne pouvait pas les protéger à la Mecque. Donc, tout ça, c'est les difficultés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû endurer et subir. Puis, il y a eu la bataille de Badr, puis il y a eu la bataille de Uhud, puis il y a eu toutes sortes d'autres batailles par la suite entre les croyants et les mushrikines. C'est pour dire comment ils étaient acharnés, les mushrikines étaient acharnés à ne pas les laisser adorer Allah subhanahu wa ta'ala et appeler au tawhid. Donc c'est pour dire que les kuffars, aujourd'hui, justement avec l'idée de laïcité, ils te font croire que oui, nous on n'a rien contre aucune religion, on accepte toutes les religions, et ils essaient même parfois de prétendre que la laïcité est là pour protéger la religion. Parfois ils vont même jusqu'à essayer de prétendre ça, alors que tu vois que la réalité c'est que non, ils font tout pour essayer d'arrêter la religion, et donc pourquoi? Parce que en réalité c'est ça, c'est le but de la laïcité à la base. Pourquoi elle a été inventée? C'était pour opposer la religion, c'était pas pour aller la protéger. Quand ils ont dit par exemple quand ils parlent de liberté, aujourd'hui ils parlent de liberté religieuse, soi-disant. Ils disent, oui, les gens qui ont une religion, ils ont une liberté, il faut la protéger. Déjà, à la base, quand ils ont inventé la laïcité, c'était pour, aussi pour protéger la liberté de ceux qui, justement, voulaient pas suivre la religion. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est ça qui est plus, qui est mis de l'avant. Hein? La liberté de défendre ceux qui veulent pas pratiquer la religion, qui veulent pas se soumettre à leur créateur et croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ça, c'est des exemples. Tout ça, c'est des exemples comment la réalité, c'est ça. C'est que c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait toute cette da'wah au tawhid et à l'adoration d'Allah, mais ils n'étaient pas satisfaits même de savoir que, même s'il n'était pas avec eux présent, mais de savoir qu'il est quelque part en train d'appeler à l'islam, en train de faire la da'wah, ça les dérange quand même, même s'il n'est pas là présentement. Comme quand les musulmans sont allés faire la hijra en Éthiopie, par exemple, à Al-Habasha. Eh bien, ils étaient en Éthiopie, ils ne dérangeaient personne à la Mecque. Mais quand même, ils ont envoyé des gens pour aller les ramener. Hein? Ils sont allés voir le roi de l'Éthiopie, puis ils lui ont dit, il y a un groupe qui est venu ici chez vous, et puis ils suivent un homme chez nous qui s'appelle Mohammed et qui s'est déclaré prophète, et qui enseigne sa religion et qui critique nos idoles, qui critique nos coutumes, nos traditions. Et ce groupe-là, nous, on a des problèmes avec eux, on veut que tu nous les remettes pour qu'on les ramène à la Mecque. Et les, subhanallah, ils sont allés jusqu'en Éthiopie pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala en liberté. Toi, tu t'en vas jusque là-bas pour les chercher, pour les ramener encore. Et les, subhanallah. Et c'est la même chose quand ils étaient à Médine. Ils sont à Médine, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont contents, hein, les croyants sont là-bas, ils dérangent personne. Subhanallah. Toi, tu viens avec une armée pour les combattre jusqu'à Médine. Donc c'est pour dire que c'est des gens acharnés. Et ils sont pas satisfaits tant que la religion est complètement écrasée. Hein? C'est ça le but pour eux. Donc quand ils disent qu'ils sont pour la liberté de religion, la liberté des pratiques religieuses, la liberté des croyances, la liberté, ça c'est pas vrai. La réalité, la vérité, c'est qu'ils veulent juste écraser la religion et humilier les croyants et les rabaisser, les empêcher de croire. Ou bien s'ils vont permettre quelques aspects de la religion, c'est juste dans un cadre très très limité, hein? Et puis à la limite pour dire comme vous devez pratiquer votre religion, mais comme nous, on veut. Et vous devez accepter la religion que nous, on vous donne. Hein, c'est-à-dire, comprendre votre religion à notre façon. Ajib, subhanallah. C'est notre religion, mais on ne peut pas la comprendre telle qu'elle a été révélée et telle qu'elle est enseignée par les savants de l'islam. Mais il faut qu'on retourne à vous, les laïcs, pour la comprendre et savoir qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct dans cette religion. Ou bien essayer de l'interpréter pour dire non, maintenant il faut la comprendre d'une autre façon parce qu'on est dans tel endroit ou à telle époque. Donc c'est pour ça qu'ils poussent de l'avant tous les hérétiques, toutes les sectes d'égarement, tous les groupes de bid'ah, ils les mettent de l'avant, les soufis, les chiites, hein, les rafidas, les hizbiyyin, les ikhwan, les mu'tazila, hein, toutes les différentes sectes et groupes de bid'a, ils les poussent et les mettent de l'avant, même ils les aident, ils les aident même financièrement et même parfois militairement pour arriver à écraser, hein, la da'wah du tawhid et la da'wah de la sunna. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour pas justement que les croyants puissent établir la religion du tawhid. Exactement. Donc, même s'ils prétendent que c'est la liberté, il n'y a pas le kafir, il n'est pas satisfait tant que tout le monde n'est pas kafir comme lui. Hein, malheureusement, c'est ça la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ. C'est-à-dire, les juifs, les chrétiens, ne seront pas satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Donc, si tu suis autre chose que leur religion, ils sont pas satisfaits. Hein? Ils veulent quelque chose de plus. Hein? Donc, c'est pas vrai là, la question de l'histoire de la liberté. Là, c'est pas vrai. Une femme musulmane, elle porte son djilbab, elle porte son vêtement islamique, elle sort de chez elle pour aller faire qu'est-ce qu'elle a à faire, elle rentre, elle dérange personne, elle a pas pris un arme pour mettre ça sur la tête des femmes dehors pour dire si tu te voiles pas je te tue, hein, ou bien les battre, les frapper parce qu'elles sont pas voilées. Elle fait son affaire, hein, et elle dérange personne, elle frappe personne, elle fait du tort à personne. Et puis eux ils disent non, ça c'est pas correct, ça c'est pas permis. On va faire une loi pour interdire ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent empêcher les croyants de pratiquer leur religion. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis par la suite, ils vont essayer de l'interpréter pour dire non, mais ça veut dire autre chose, c'est politique. Non, ça veut dire autre chose, c'est l'oppression de la femme par l'homme. Non, ça veut dire autre chose, c'est ci, c'est ça. Subhanallah. Alors que notre croyance, elle est claire, c'est pas nouveau. Hein? Qu'est-ce qu'on pratique? C'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les paroles des sahaba, c'est des choses claires. On dérange personne, on n'impose rien à personne, hein, parmi les koufars. Donc, ils sont pas satisfaits de ça. Et ils disent, nous, ça nous agresse quand on voit des femmes voilées, ça nous dérange. Et nous, il y a plein de choses qu'on voit dehors qui nous agressent et qui nous dérangent. Hein? Est-ce que on va commencer à dire, ben là, ça y est, vous nous dérangez, là, il faut arrêter ça. Quand tu vois les femmes qui marchent à moitié nues dans la rue, hein, et qui ont aucune pudeur, aucune honte, aucune gêne, et qu'elles agissent de cette façon, et ça agresse. Ça agresse aussi. Et pourquoi ils disent rien? Hein? Parce que c'est juste dans un sens unique. La réalité, c'est ça. C'est que si tu veux la liberté pour que ton corrompre ou faire le péché et désobéir à ton créateur, ça oui, t'as la liberté, c'est correct. Mais quand tu veux la liberté pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et établir sa religion, là, il n'y a pas de liberté pour eux. C'est dans un sens unique seulement. Donc, c'est juste pour comprendre la façon dont ces gens-là prétendent vouloir établir la liberté ou donner la liberté, mais c'est pas une vraie liberté. Hein? La vérité, c'est qu'ils veulent tout faire pour empêcher justement cette liberté-là. Et leur liberté à eux, c'est la liberté de perversité, la liberté d'ignorance, la liberté de mécréance, la liberté de l'obscurité, des ténèbres. Et ils essaient de faire croire que c'est les croyants qui sont dans cette voie-là. C'est les croyants qui veulent empêcher la lumière. Alors que c'est eux. Bon. Le cheikh, il dit ensuite, Fatawuf, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa qad taraka ummatahu ala al-mahaddati al-bayda, laylaha ka nahariha, la yazigu anha illa halik. Wa qala Abu Dharr, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yuharriku ta'irun janahayhi fi as-sama' illa ذكر لنا منه علما رواه أحمد والطبراني وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. Voilà, donc on va traduire ces paroles là, c'est des paroles des sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort par la suite, sallallahu alayhi wa sallam, et il a laissé sa umma sur une voie qui est éclatante et claire et blanche, hein. Et elle est tellement claire que elle éclaire la nuit comme le jour. Elle éclaire la nuit comme le jour, c'est-à-dire peu importe, hein. La nuit et le jour, cette voie, elle est tellement claire que tu la vois, hein, c'est comme si elle est éclairée. Hein. Même la nuit, tu la vois clairement comme si c'était le jour. Et nul ne peut s'en écarter ou en dévier, excepté qu'il périt. Hein. Il est fini, celui qui s'en écarte de ce chemin, il est fini. Et il n'y en a pas deux ou trois chemins, il y en a un seul. Hein. Donc, il n'y a pas plusieurs voies pour arriver, il y a une seule voie. Ensuite, le cheikh, il mentionne une parole de Abu Dharr al-Ghifari. Il dit, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, hein, il ne nous a pas laissé sans qu'il nous ait expliqué toute chose. Hein? Même un oiseau dans le ciel qui bat ses ailes, il nous a mentionné quelque chose à son sujet. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout, il a expliqué ce que tous les hommes ont besoin de connaître, hein, par rapport à leur religion et par rapport à leur vie. Hein. Donc ça c'est rapporté par Ahmad et At-Tabarani. Et il a rajouté également, il dit, قال صلى الله عليه وسلم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, donc il a dit, il n'y a pas une chose, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, il n'y a pas une chose qui rapproche du paradis et qui éloigne de l'enfer, excepté que ça vous a été clarifié. Il n'y a pas une chose qui vous rapproche du paradis et qui vous écarte de l'enfer, excepté qu'elle vous a été clarifiée. Et ça, c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a complété la religion des messagers. Maintenant, tu vois aujourd'hui des gens qui inventent des nouvelles formes d'adoration, qui veulent introduire du shirk dans l'islam, qui veulent introduire du kufr, hein, et des bid'a, toutes sortes de fausses pratiques, juste comme, par exemple, qu'est-ce que j'ai trouvé hier, yani dans une des mosquées à Montréal, peut-être même que tu l'as déjà vu, et subhanallah, ils veulent, c'est la mosquée des gens bid'ad et des soufis de Al-Ad wa Al-Ihsan, ils organisent la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une bid'a, hein, la bid'a du Mawlid al-Nabawi, et là ils font une affiche pour annoncer qu'il y a une fête, et là ils écrivent Al-Mawlid al-Nabawi, et ils ont invité des groupes de chanteurs soi-disant islamiques, hein. Puis là tu vois une affiche, c'est comme on dirait presque une affiche de spectacle de rap, hein. Et là le groupe, ils ont marqué le nom du groupe des États-Unis, là il y a une chorale aussi de chanteurs professionnels, hein, chanteurs d'anachite professionnels, et un autre, je ne sais pas c'est qui, en tout cas tous ces gens-là sont des gens, ils écrivent chant islamique, poésie et d'autres surprises. Et un programme spécial pour les enfants. Donc tout ça, c'est les exemples des bid'a. Et ça se fait dans les mosquées de la secte qu'on appelle Al-Ad wa Al-Ihsan, la groupe des Hizbi, Khawarij, Soufi du Maroc, qui suivent leur gourou de Salam Yassine et sa fille Nadia Yassine et compagnie. Donc ça c'est pour dire ils veulent introduire ça ici, puis là on voit même que ils ont 3 ou 4 mosquées, hein, à Laval, à Montréal, puis même ils s'installent aussi à Québec. Donc c'est pour dire que ils ont décidé de propager leur da'wah de cette façon. Et un jeune haïtien, je me rappelle, il commençait à s'est converti à l'islam, puis commençait à aller là-bas, et eux ils sont en train d'essayer de l'encourager justement à rentrer dans leur bid'a, dans leur égarement. Ouais, probablement qu'il est rentré. Donc c'est pour dire, tu vois, qu'est-ce qui arrive quand des gens ils rentrent dans l'islam avec des gens de bid'a, ben ils deviennent comme eux, sallallahu alayhi wa sallam, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté si Allah lui fait miséricorde et lui montre par la suite la voie de la sunna et de la salafia par l'intermédiaire de certains d'entre les frères qui ont un peu de connaissance et qui sont capables parfois de lui clarifier des choubourades. Exactement. Donc c'est ça. C'est souvent les nouveaux musulmans, les convertis ou les jeunes qui pratiquaient pas l'islam puis qui n'ont pas beaucoup appris des choses sur leur religion, mais qui ressentent le besoin de revenir à l'islam puis de commencer à apprendre et à pratiquer, et bien, étant donné qu'ils n'ont pas de base, souvent, ils sont approchés par ces individus-là et ces sectes-là, et puis, ils rentrent facilement là-dedans par la suite. Hein? Donc c'est pour ça que ça nous montre l'importance de faire beaucoup d'efforts pour propager la da'wa salafia, propager la connaissance de la sunna et du tawhid, hein, et de combattre les bid'ah, le shirk et les différentes formes d'égarement pour que les gens puissent connaître la vérité de l'islam et revenir à la vérité et abandonner justement par la suite ces faussetés que les gens propagent. Hein? Donc ça s'en vient là, bientôt ils vont faire ça. Donc, Inch'Allah, on va essayer de faire des cours sur ça, pour réfuter la bid'a du Mawlid et pour clarifier que ces choses-là sont contraires à l'islam, Inch'Allah. Donc ensuite, le cheikh dit « وَلَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ عَمَّا يَكُونُ فِي عما يكون إلى قيام الساعة كما قال حذيفة رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به وحفظه من حفظه ونسيه من نسيه أخرجه البخاري ومسلم وفي صحيح مسلم عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر فنزل فصلى العصر ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا فأعلمنا وأحفظنا. Donc il explique ici, le cheikh, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a informé sa umma de tout ce qui va se produire jusqu'au jour de la résurrection, comme ça a été rapporté par Hudhayfa, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé parmi nous, hein, et il a parlé et il n'a rien laissé de ce qui va. C'est-à-dire, il s'est levé, il a commencé à parler, il a expliqué tout ce qui allait se produire jusqu'au jour de l'heure du jugement dernier. Il n'y a rien excepté qu'il l'a mentionné. C'est-à-dire, il a tout expliqué ce qui allait se produire jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et Hudhayfa, il dit à la fin, il dit: l'a mémorisé celui qui l'a mémorisé, et l'a oublié celui qui l'a oublié. Donc, c'est-à-dire que parmi les gens qui étaient là présents et qui ont entendu, hein, le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ces choses-là, eh bien, il y en a qui l'ont mémorisé et il y en a qui l'ont oublié. Donc, c'est-à-dire que celui qui sait, il sait, et celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Hein, parce qu'il a oublié ou bien parce qu'il n'était pas là. Mais il y en a parmi les sahabas qui étaient là et qui ont mémorisé tout ce qui s'était dit ce jour-là. Donc ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans la narration de l'imam Muslim, dans son sahih, selon Amr ibn Akhtab al-Ansari, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié avec nous. Hein, il a dirigé la prière de Fajr avec nous et il est monté sur le minbar et il a commencé à nous faire un discours. Il a commencé à parler jusqu'à la prière de Dhuhr. Imaginez, hein, imagine qu'il commence à parler après le Fajr jusqu'à Dhuhr. Et lorsque Dhuhr est arrivé, il est descendu du minbar, il a prié Dhuhr avec les Sahaba. Après le Dhuhr, il a remonté sur le minbar, il a continué à prêcher jusqu'à l'Asr. Subhanallah. Et quand l'Asr est arrivé, il est descendu du minbar et il a prié avec les sahaba salat al-Asr. Puis, il est remonté sur le minbar après la salat Et il a continué à parler jusqu'à ce que le soleil se couche. Il a dit, et il nous a informé de ce qui était, de ce qui allait être, et on l'a su et on l'a mémorisé. Il nous a fait savoir et il nous a fait mémoriser. C'est-à-dire, il leur a parlé de tout ce qui allait se passer de leur époque jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et ça, on le retrouve dans les hadiths du prophète sallam. Hein? Après le cheikh, il dit, ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجوع الشرك إلى هذه الأمة عند آخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب الياد نساء دوس حول ذي الخلصة أو الخلصة أخرجه البخاري ومسلم ذو الخلصة صنم تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة وهي موضع باليمن وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى أو تعبد اللات والعزى رواه مسلم وهذان الحديثان يوجبان على المسلم شدة الحذر من الوقوع في الإشراك بالله. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que parmi les choses qui ont été mentionnées par le prophète صلى الله عليه وسلم par rapport à ce qui va arriver avant l'heure du jugement dernier, il y a que le prophète صلى الله عليه وسلم a parlé du retour du shirk dans cette umma vers la fin des temps. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, le shirk va revenir dans cette umma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans un hadith rapporté selon Abi Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que des femmes, que l'heure du jugement ne viendrait pas tant que des femmes de la tribu de Daws, c'est une des tribus des Arabes, n'allaient pas se pousser les unes les autres autour de l'idole qu'on appelle Dhul Khalisa. C'est-à-dire que c'est une idole que la tribu de Daws adorait dans la Jahiliya, dans un endroit qui s'appelle Tibala ou Tabala, et c'est un endroit au Yémen, et il a dit donc que l'heure du jugement dernier n'arriverait pas tant que les femmes de cette tribu allaient retourner adorer cette idole-là. Donc c'est pour dire que le shirk allait se reproduire. Et aujourd'hui, ça, on le voit, que ce soit au Yémen, que ce soit ailleurs, en Égypte ou ailleurs, dans tous les, en Syrie, au Maroc, en Algérie, en Libye et ailleurs, en Tunisie, et dans l'Afrique de l'Ouest, et ailleurs, au Pakistan, en Inde, sans mentionner, pas tout mentionner, mais disons qu'il y en a partout, des gens qui adorent les morts, qui adorent les tombes, et qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qui adorent ces créatures-là en dehors d'Allah. Donc c'est pour dire donc que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti, eh bien ça s'est déjà produit. Et beaucoup des musulmans sont retournés à la religion des mushrikins, à la religion de la jahiliya, l'adoration des idoles et des tombes et des morts. Et c'est rapporté également selon Aïcha radiallahu anha qu'elle a dit qu'elle a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait le jour et la nuit ne vont pas s'en aller ou partir tant que des gens vont adorer, tant que des gens n'ont pas adoré Al-Lat ou Al-Uzza. C'est-à-dire, ça c'est rapporté par l'imam muslim. C'est-à-dire que les jours et la nuit ne vont pas cesser tant que des gens vont se remettre à adorer Al-Lat ou Al-Uzza. Donc, c'est-à-dire que vers la fin des temps, il y a des gens qui vont recommencer à adorer Al-Lat ou Al-Uzza. Donc, le shirk va revenir. On voit beaucoup d'efforts de la part même justement des kuffars, comme par exemple l'organisation qu'on appelle justement, comme je parlais tout à l'heure, du respect des différentes cultures et des ethnies, et ça pour eux ça implique même de respecter, de donner de l'importance au shirk et de respecter le shirk et de parler de ça comme si c'est de la diversité et des choses de ce genre. Donc il y a des organisations dans le monde qui justement font la propagation et la promotion du shirk justement au nom de ces choses-là, comme l'UNESCO par exemple, le respect du shirk, le respect des fausses religions et des croyances, et ils propagent ces idées-là et ces croyances-là, et ils encouragent ces choses-là. Donc ça c'est des choses qui se font de la part des gens qui n'ont pas cru en Allah, qui n'ont pas cru en les messagers et en les livres. Et beaucoup parmi certains musulmans qui font partie de ces associations-là, ils ne condamnent pas le shirk et les bid'ahs et les différentes formes de kufr. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font par exemple? Toutes des anciens monuments, des anciennes constructions qui ont été bâties, qui sont basées sur le shirk, eux, ils essaient de les réparer, de les rebâtir, remettre en état, malgré que c'est basé sur le shirk. Comme les pyramides d'Égypte, essayer de les reconstruire bien, le sphinx. Toutes des anciennes choses de shirk qui étaient basées sur du shirk, eux ils veulent le remettre en forme pour essayer d'encourager les peuples de ces pays-là à se référer à ces choses-là. Aujourd'hui, tu demandes à un enfant de 5 ans à l'école, ou 10 ans au primaire, tu lui dis l'Égypte, ça te fait penser à quoi? Et automatiquement il dit les pyramides, les pharaons, des trucs comme ça. Et moi je peux le dire par exemple, parce que moi j'étais pas musulman quand j'étais à cet âge-là, et j'ai jamais su que en Égypte il y avait des musulmans. Mais j'ai jamais su que l'Égypte c'est un pays musulman. Moi jusqu'à ce que je me convertisse à l'islam, je pense que j'ai toujours pensé que l'Égypte c'était encore ils étaient encore sur la religion des pharaons, de la mythologie égyptienne, ancienne, et des fausses croyances. Tu sais, le dieu soleil, Ra, le dieu soleil, puis toutes les Osiris, puis Isis, puis tous ces trucs-là. C'est ce qu'ils enseignent aux enfants. Oui, c'est ça, ils ramènent ces trucs-là. Et il y avait les bandes dessinées aussi, Papyrus. Je me rappelle, on écoutait ça quand on était petit. Moi, j'aimais beaucoup ces trucs-là. Puis je me dis, subhanallah, ils nous faisaient croire que c'était ça qui se passait en Égypte. On n'a jamais su que l'Égypte c'était un pays où il y avait de l'islam. Même le Maroc. J'entendais parler du Maroc. Pour moi, c'était un pays où les gens ils jouaient de la flûte puis ils faisaient danser les serpents. Parce que c'est ça les images qu'ils mettent dans des trucs de tourisme, les petits livres de tourisme qui donnent aux gens pour aller faire des voyages. Ils mettent des images avec des gens avec des turbans puis une flûte puis avec des cobras, des trucs comme ça. Puis là tu vois ça des gens avec des instruments de musique toujours. Ils mettent toujours des trucs comme ça. Donc quand tu vois ça tu te dis mais je savais pas que c'était... Quand je suis devenu musulman, je savais pas que ces gens-là étaient des musulmans. C'est après j'ai découvert ça, j'ai dit, waouh, subhanallah, le monde musulman, c'est tout ça. Tous ces pays-là, Hein? Je ne savais pas avant. Parce que les gens ici, on est dans l'ignorance totale, pour de vrai. On ne connaît pas. La façon dont on nous parle du monde entier, là, c'est une façon vraiment superficielle et vraiment. On nous laisse vraiment dans l'ignorance totale. Hein? Donc, ça, c'est des exemples de ça. Et en Irak, la même chose. Les Babylones et les idoles que les gens adoraient à l'époque, sumérienne et ainsi de suite. Il y avait aussi en Afrique de l'Ouest, les anciennes sculptures qu'on retrouve, par exemple, les masques, les anciennes sculptures qu'on trouve au Mali ou dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Est, la même chose. Partout, c'est toujours essayer de faire revenir du shirk et du kufr. Comment les gens vivaient à l'époque pour essayer de les ramener à cette mécréance-là. Hein, les faire quitter l'islam et les ramener au kufr. La même chose en Europe. Ramène les anciennes coutumes, les anciennes croyances. Avant le christianisme, qu'est-ce que les gens faisaient en Europe, et ainsi de suite. En Asie, c'est la même chose. Donc, éloigner les gens du tawhid, les ramener au shirk, ça c'est le travail de ces gens-là, de l'UNESCO et compagnie. Et bien entendu, de combattre la charia et combattre l'islam, et au nom de la libération de la femme, ça c'est connu, ces choses-là, c'est des choses qui sont propagées. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Qu'est-ce que le cheikh a expliqué par la suite? Il a dit: هذان الحديثان يوجبان على المسلم شدة الحذر من الوقوع في الإشراك بالله. Ces deux hadiths qu'on a mentionnés, les deux hadiths précédents qui parlent du fait qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont faire le shirk, eh bien, ça donne aux musulmans, que le musulman doit faire très très attention de ne pas tomber dans le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. فإنه فتنة عظيمة تضرع الأنبياء إلى الله في دفعه عنهم وتجنيبهم إياه. قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. C'est-à-dire qu'il dit, le cheikh, il dit que c'est une grande fitna, et même les prophètes d'Allah, ils se sont, ils ont imploré Allah subhanahu wa ta'ala de repousser d'eux et d'écarter d'eux ces idoles, et le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple à propos de son prophète Al-Khalil Ibrahim alayhi salam, il dit: et écarte-moi ainsi que mes fils de l'adoration des idoles. Ibrahim al-Khalil, le verset 35 dans surat Ibrahim. Après, le cheikh il dit: فَإِذَا كَانَ الْخَلِيلُ إِمَامُ الْحُنَفَاءِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ أُمَّةً وَحْدَهُ وَابْتَلَاهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ عَنْهُ: وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى وَأُمِرَ بِذَبْحِ وَلَدِهِ فَامْتَثَلَ أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه ولا بحوله هو وقوته فَمَا هُوَ حَالُ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ. Donc, qu'est-ce qu'il explique, le cheikh? Il explique un point très important. Il dit: regardez Ibrahim alayhi salam, qui est Al-Khalil, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme un ami, et qui est Imam al-Hunafa, c'est-à-dire l'imam des monothéistes, des gens qui sont sur le tawhid et l'unicité d'Allah et qui rejettent le shirk. C'est un des leaders et des chefs des messagers des prophètes. C'est lui le premier, un des imams parmi les messagers et les prophètes qui ont appelé au tawhid et qui ont combattu le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un guide, hein, et une umma à lui seul, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé par des paroles, par des choses qu'il lui a demandé, des commandements, et il les a toutes exécutées. Tout ce que Allah lui a ordonné, il l'a fait. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'Ibrahim, il dit à son sujet dans le surat al-Najm, le verset 37, « Wa Ibrahim alladhi waffa » C'est-à-dire Ibrahim, celui qui a été fidèle, qui a exécuté fidèlement qu'est-ce qu'on lui a demandé. Hein? Et il a été ordonné d'exécuter son propre fils, de tuer son propre fils en sacrifice, et il était prêt à le mettre en application et à le faire. Sans hésitation, il voulait obéir à l'ordre de son Seigneur. Et il a même cassé les idoles. Et il était très dur envers, hein, il était dur pour condamner les gens du shirk de son époque. Et malgré ça, malgré tout ça, il avait peur de tomber dans le shirk, c'est-à-dire l'adoration des idoles. Donc vous voyez, là il y a des ignorants à notre époque, qui, comme par exemple Sayyid Qutb et Muhammad Qutb, son frère, et d'autres, ainsi, d'autres également qui suivent cet exemple, comme Tariq Ramadan et l'autre, comment il s'appelle, Salman Al-Auda, et d'autres également, quand ils parlent d'Ibrahim et du shirk d'Ibrahim, ils disent « Ah, mais ça c'était le shirk primitif, comme c'est le shirk ancien, le shirk primitif. À notre époque, il y a un autre shirk, le shirk moderne. Hein, » Il dit, c'est quoi le shirk aujourd'hui? Il dit, Tariq Ramadan, dans son cours, il dit, c'est le shirk des belles voitures, le shirk des grandes marques, le shirk de... Il dit, c'est détruire les idoles à notre époque, c'est de détruire Coca-Cola, détruire les bonnes marques, détruire les beaux vêtements... Et comme ça, c'est quoi ça? Yani, depuis quand Coca-Cola ça devient du shirk ou ça devient une idole? Yani, et lui il essaie de montrer que ce shirk qui existait à l'époque d'Ibrahim, c'est un shirk primitif, un petit shirk, c'est pas très important. Mais le shirk d'aujourd'hui, le shirk des modernes, ça c'est le grand shirk, c'est dans le shirk dangereux. Comme s'il essaie de dénigrer les prophètes et les messagers. Et la da'wah qu'ils ont fait, et il essaie de montrer que le travail que les hizbiens sont en train de faire à combattre ces trucs de... Parce que eux, c'est des socialistes. Hein, ils se basent sur les idées des koufars, socialistes et communistes, pour essayer de propager leur révolution, là. Et leurs idées de révolution. Donc, ils se basent sur ça, et ils jouent avec ça. Et donc, ils dénigrent les messagers d'Allah. Salman al-Auda, il mentionnait ça aussi dans ses livres, et d'autres, comme parmi ces hizbiyens-là. Il disait, le tawhid, tu peux l'apprendre en 5 minutes, tu n'as pas besoin de l'étudier. Et quand ils ont dit ça à Cheikh al-Fawzan, il s'est moqué de cette parole, parce que c'est complètement ridicule. Et il dit, c'est ça. Cheikh al-Fawzan a dit, c'est comme ça, avec ces gens-là, tu vas étudier le tawhid en 5 minutes, le fiqh en 5 minutes, le tafsir en 5 minutes, en 30 minutes tu deviens le savant de la umma, hein? Si c'est comme ça la science, 5 minutes pour apprendre le tawhid, Allah musta'an. Donc ça c'est l'ignorance et l'égarement, hein, et les passions, c'est ça qui fait que des gens disent des paroles comme ces paroles là donc Ibrahim alayhi salam, hein, malgré tout ce qu'il a fait, on voit que subhanallah, malgré tout, il a peur de tomber dans le shirk, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger contre le shirk et de protéger ses enfants également contre ça. Donc, pourquoi? Parce qu'il sait très bien que c'est quelque chose qui peut le faire détourner et dévier, hein, et qu'il n'y a rien qui peut le guider et lui donner le succès de rester sur le tawhid, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que hier j'écoutais un cours de Cheikh Ibn Uthaymeen, il disait, beaucoup d'entre nous on adore Allah subhanahu wa ta'ala, il parlait du verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beaucoup d'entre nous on se concentre sur l'adoration, mais peu d'entre nous on adore Allah subhanahu wa ta'ala par al-isti'ana, par le fait de dire Iyyaka nasta'in. On dit Iyyaka na'budu et on adore Allah, mais on ne dit pas Iyyaka nasta'in. C'est-à-dire on ne l'applique pas dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'on a comme l'impression qu'on n'a pas besoin d'aide pour adorer Allah. Comme si on n'a pas besoin de l'aide d'Allah pour l'adorer. Comme si c'est quelque chose qu'on a pris, c'est-à-dire on a pris l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour acquis. C'est comme si ça y est, on adore Allah, on établit la salat, on fait le jeûne, le ramadan. Comme si tout ça c'était par notre propre force. Comme si c'était par nous-mêmes, on le fait puis on le prend pour acquis que ça y est, on le fait puis on peut toujours le faire. Mais en réalité, non. C'est pas correct d'être comme ça. Et on devrait demander toujours l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour accomplir ces adorations-là. Et on devrait se dire que sans l'aide d'Allah, on ne pourra pas prier. Sans l'aide d'Allah, on ne pourra pas établir les salawat. Sans l'aide d'Allah, on ne pourra pas établir le tawhid. Sans l'aide d'Allah, on ne pourra pas s'écarter du shirk. Sans l'aide d'Allah, on ne pourra pas faire le jeûne. Tu vois, que pour chaque chose qu'on fait pour Allah dans l'adoration, on doit le faire avec la conscience qu'on a besoin de son aide pour le faire. Et que sans son aide, on ne pourra pas l'accomplir. Donc, c'est ça, le fait de croire en Iyyaka nasta'in et de l'appliquer également. Tu vois? Donc, ici, on voit cette chose-là se manifeste dans l'exemple d'Ibrahim, alayhi salam, puisqu'il est l'imam des Hunafa, comme on l'appelle, et un des plus grands messagers d'Allah qui a appelé au tawhid, qui a détruit les idoles, qui a obéi à son Seigneur. Malgré tout ça, il demande la protection d'Allah contre le shirk parce qu'il sait qu'il ne peut pas s'écarter du shirk excepté avec l'aide d'Allah. C'est pas par sa propre intelligence, son propre moyen, sa propre force. C'est pas suffisant ces choses-là. C'est uniquement par la force d'Allah et par la guidance d'Allah. Donc, si c'est le cas d'Ibrahim, alors comment nous on devrait être? Si c'est le cas d'Ibrahim, que lui il était comme ça par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à son tawhid, par rapport à sa crainte du shirk, alors nous comment on devrait être aujourd'hui alors que nous on n'a rien par rapport à Ibrahim alayhi salam. Donc on ne doit rien prendre pour acquis de ce genre de choses. Et le shaykh il dit ensuite رحم الله إبراهيم التيمي إذ يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. Donc Ibrahim التيمي, un des salafs, il a dit une parole qui est très très significative ici dans ce sens-là. Il a dit qui peut se sentir en sécurité par rapport à une épreuve après Abraham, après le prophète d'Allah Ibrahim. Si lui il se sentait pas en sécurité, il avait peur du shirk et de tomber dans le shirk et d'adorer les idoles, alors qui peut se sentir en sécurité après lui? Tu comprends? Dans ce sens là bah ouais, mais c'est ça le malheur à notre époque. Et c'est pas juste à notre époque, ça, peut-être qu'il y en a eu à d'autres époques aussi, des gens comme ça. Mais c'est pour dire que il y en a qui prennent pour acquis. Oui, moi je suis musulman. Oui, moi je suis converti à l'islam, ça fait 20 ans. Ça fait 22 ans que je suis musulman, je suis converti. Tu deviens comme, tu prends ça pour acquis. Je suis musulman. Une parole que tu dis avec ta bouche, mais sa signification et son implication et son sens, Elle a perdu beaucoup de sa force, beaucoup de sa valeur. Pourquoi? Parce que tu as pris des choses pour acquis, tu prends tout pour acquis. Et tu dis, moi, je suis musulman. Mon père était musulman, ma mère était musulmane, mes ancêtres étaient musulmans 10 générations en arrière. Ou plus ou moins. Donc, tu prends pour acquis, je suis musulman, ça y est. Je veux pas tomber dans le shirk. Peut-être même que tu fais le shirk, tu le sais même pas. Pourquoi t'as pas étudié? T'as pas appris? T'as pas demandé l'aide d'Allah pour te protéger? Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en considération, c'est des choses importantes. Qui peut être en sécurité après Ibrahim, par rapport à ce genre de choses? Donc, le shaykh, il dit, فالشرك أمر لا يؤمن الوقوع فيه وقد وقع فيه أناس من الأذكياء في هذه الأمة بعد القرون المفضلة. فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها واتخذ ذلك دينا وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح. Donc le cheikh il dit, le shirk c'est une chose, personne ne devrait se sentir en sécurité de tomber dedans. Tu ne dois pas dire, ça y est, je ne vais pas tomber dans le shirk, moi je suis intelligent, j'ai un baccalauréat, j'ai une maîtrise et un doctorat, donc ça y est. Ça ne veut rien dire. Même si tu as un doctorat en aqida, que tu vas dire, je ne vais pas tomber dans le shirk, ça ne veut rien dire. Le cheikh dit, il y a des gens très intelligents dans cette umma, il y a des gens très intelligents qui sont tombés dans le shirk après les trois générations préférées, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu que des mosquées ont été construites sur des tombes dans les pays musulmans. Et aujourd'hui, tu vas dans les pays musulmans, il y a des mosquées construites sur des tombes. Il y a des mausolées construites sur des tombes. Il y a des oratoires construits sur des tombes. Il y a des dômes construits sur des tombes. Et les gens vont faire des pèlerinages à ces choses-là. Ils vont faire des adorations autour de ces tombes-là. Ils leur offrent toutes sortes d'adorations, des sacrifices, des prières. Ils demandent la baraka, ils demandent la guidance, ils demandent des enfants, ils demandent de l'argent, ils demandent du travail, ils demandent de la guérison d'une maladie ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est du shirk. C'est la même chose que qu'est-ce que les koufars ils font auprès de leurs idoles, auprès de leurs saints. Les chrétiens en Europe et aux États-Unis et en Amérique et au Canada et au Québec et partout. Et en Asie et ailleurs, ils font ça aussi. C'est de là que ça vient. En France, il y a un pèlerinage à un endroit qu'on appelle Lourdes. Chaque année, il y a des milliers de personnes qui vont là-bas. Et ça, c'est juste un pèlerinage. Et même sur le site officiel de l'Église catholique, ils mettent tous les endroits où il y a des pèlerinages partout en Europe et en Amérique. Où est-ce qu'ils le font pour aller voir un saint et faire les pèlerinages à sa tombe ou demander quelque chose. Ça c'est comme si eux, les catholiques, ils ont incorporé le shirk dans leur croyance, dans leur pratique, et même ça fait partie de leur truc officiel. C'est comme reconnu pour eux. Ça dit, ils ont même pas honte, ils ont même pas de gêne, ils essaient même pas de le nier. C'est quelque chose qu'ils font ouvertement. Donc ça veut dire quoi? À la base, on connaît la da'wa de Isa alayhi salam. Il n'a jamais enseigné d'adorer des morts, d'adorer, de prier des saints. Jamais. Ni aucun des prophètes d'Allah. Donc comment il y en a un qui peut arriver par la suite dire on va établir une religion, on suit le prophète Isa, mais en même temps, bon, on fait de lui un dieu et on adore sa mère et on adore des saints et on dit que l'on suit Jésus. Non. Ils ont déformé complètement le message. Et donc les juifs, c'est la même chose. Les juifs, ils ont des pèlerinages aussi à des saints et ils vont visiter les saints et ils les adorent en dehors d'Allah. En tout cas, je ne sais pas si c'est cette tombe-là, mais je sais qu'ils ont des endroits où ils vont adorer des saints et ils les prient en dehors d'Allah dans différents pays dans le monde. Donc tout ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il dit, ça, c'est des idoles de la même manière que les premières idoles que les gens adoraient à l'époque. Donc, le cheikh, il explique, il dit, فالشرك الأكبر إنما يقع بوقوع مقدماته ووسائله حتى إذا اعتقدها الناس دينا نقلهم الشيطان إلى عبادة الأصنام والأوثان والمشاهد والقبور ونحوها من دون الله تعالى فوقعوا في الشرك الذي لا يغفر الله لصاحبه. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit le shirk majeur, il arrive uniquement après que c'est les moyens qui amènent à cela et les étapes préparatoires, de ça, c'est-à-dire les choses qui viennent en introduction sont établies en premier, après le shirk akbar arrive. En voulant dire que le shirk majeur, il n'arrive pas du jour au lendemain nécessairement comme ça, là, comme les gens ils disent, tu es un musulman, tu adores Allah seul, tu ne fais pas de shirk. Puis, du jour au lendemain, tu tombes dans le shirk. Tu adores des morts et des saints. Ça n'arrive pas comme ça, mais ça arrive étape par étape. Comme le peuple de Nuh, il s'est égaré, eh bien, il s'est égaré étape par étape. La même chose dans les pays musulmans, le shirk s'est introduit étape par étape. Et ça, jusqu'à ce que ça devienne une croyance que les gens ont acceptée comme faisant partie de leur religion, et le shaitan les a, disons, transportés d'une étape à l'autre jusqu'à l'adoration des idoles. C'est-à-dire, par exemple, les tombeaux, et ainsi de suite. Et donc, ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont tombés donc dans le shirk que Allah ne pardonne pas, hein, que Allah ne pardonne pas à celui qui le commet. وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الْاِهْتِمَامِ بمعرفة الشرك ووسائله هو سبيل من خاف على نفسه وبنيه وأهله الوقوع في ذلك. Donc le cheikh il dit, et c'est de là donc qu'il faut comprendre l'importance de connaître le shirk et les moyens ou les choses qui peuvent être des causes qui vont nous faire tomber dans le shirk, et il faut avoir peur et suivre l'exemple de celui qui a eu peur pour lui-même et pour ses enfants de tomber dans le shirk, c'est-à-dire l'exemple d'Ibrahim alayhi salam. والناس في حاجة ماسة إلى تكثيف الطرح العلمي لهذه المسائل وذلك لعظم فشوها وكثرة المخدوعين بها في أكثر أنحاء الأرض. Le cheikh dit, les gens ont un besoin palpable, yani d'avoir des explications scientifiques sur ces moyens-là, sur ces causes-là, hein, à cause de la grande propagation et prolifération de ces différentes pratiques-là, et beaucoup de gens qui se laissent tromper par ces fausses pratiques et ces fausses croyances partout dans le monde. Donc c'est très important de justement expliquer et clarifier ces choses-là. Et c'est pour cette raison donc que le cheikh il a décidé donc de parler du sujet qui est at-tawassul ahkamuhu wa anwa'uhu, hein, et al-mashru' al-mamnu' min at-tawassul. Donc nous on va s'arrêter ici, puis au prochain cours on va rentrer dans le cœur du sujet et commencer à parler de qu'est-ce qui a rapport avec le tawassul pour comprendre qu'est-ce que c'est. Ça, c'était une introduction importante pour comprendre, parce que il y a un lien direct entre qu'est-ce que les gens pratiquent aujourd'hui, comme ce qu'ils prétendent être le tawassul, et la religion des mouchriquins de l'époque du professeur Salam et de l'époque même avant ça. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.